faire aimer l'indiscipline sur disque ou sur piste. Domicile depuis la capitale, on voit les missiles. Le système où l'illicite te félicite. Je suis pisté, j'ai vu mon nom sur listine. L'amour se dissipe, la haine m'a fait indicible. J'en suis lassé parce que l'avenir indécis. Nos rêves sont inaccessibles. Alors sors les lyrics explicites, style à la D.I.T.C. Les flots agiles à la B.I.G. Agima. Imagine les hyènes des plaies originaires Maroc, Algérie, c'est du Madjer et Adjima. Dis magique ma vie tragique na. Vie que j'avire vers l'abysse, c'est l'avenir. Ça vire au drame ici, des kilogrammes ici. La tour l'anticipe, on a la peau qui haït. Et l'arrogance des caïds, ah. Chaque frappe c'est Al-Qaïda sur beat. Au 4 c'est pas que le trip est pas d'ici, c'est rare ici comme les stars ici. Beaucoup plus rare que les nick les stars. C'est le clandestin pour niquer le destin. Arracher le festin, le best et le reste est dead. C'est le son à l'extérieur, faut pas que tu testes. Tu vis trop, toujours blâmable. C'est pas un hasard, c'est nos caricatures. On incarne des calculs meurtriers. Un putain de carnage, renoir sur le même bateau qui chavire jusqu'à la riposte. C'est les héritiers du trône. Toujours blâmable, c'est pas un hasard, c'est nos caricatures. On incarne des calculs meurtriers. Putain de carnage, renoir sur le même bateau qui chavire jusqu'à la riposte. Hey boy, on choisit pas sa famille, on choisit pas son pays, on choisit pas sa couleur de peau, on choisit pas son destin, ni son ghetto, de l'espoir et du bédon. On choisit pas de naître dans du béton comme du bétail. Y'a peu d'estime, le bruit, les odeurs. Regarde Maracay qui s'exprime, c'est le sexe, c'est le crime. Quand la vie t'opprime, mec, la violence c'est plus. Derrière la prison c'est pire, hey tu piges. C'est triste, la rue nous afflige. Mais on reste fiers et digne jusqu'à nos sons, nos blesses obligent. T'as pas idée de ce qu'on vit, de ce qu'on endure. Les gens d'Urven, c'est tellement réel, j't'assure, man. On fait des erreurs ici. Le ghetto nous tue aphrodisiaque. On s'enivre, bref, et on s'enlise. Attends un peu, ils veulent nous tuer à petit feu. À freine ou à rifle, c'est les mêmes numéros dans le dos. Sans pitié, on est traqué par nos vieux démons. Et les brigadiers qui veulent la peau des pauvres sur le ciment. Nos costumes froissés, le baggy baissé. La vie on croise, on cabosse, nous les gosses des taudis. Pas besoin de mettre du blush, on est trop maudit. On gagne, on perd, bientôt on sera plus qu'un tas de poussière. Y'a une odeur de SS dans nos cimetières. La hyène est capouche, la délinquance dans la bouche. Les héritiers du trône, toujours blâmable. C'est pas un hasard, c'est nos caricatures. On incarne des calculs meurtriers. Un putain de carnage, renoir sur le même bateau qui chavire jusqu'à la riposte. C'est les héritiers du trône. Toujours blâmable, c'est pas un hasard, c'est nos caricatures. On incarne des calculs meurtriers. Un putain de carnage, renoir sur le même bateau qui chavire jusqu'à la riposte. Fais la guerre sur un son qui blesse. Jeune, fier et criminel. Sur un son qui blesse. Il faut un calibre dans la boue. Sur un son qui blesse. V'là les héritiers du trône. God bless you, la violence urbaine. On fout la merde. Sur un son qui blesse. Jeune, fier et délinquant. Sur un son qui blesse. Il faut un calibre à la dent. Sur un son qui blesse. V'là les héritiers du trône. T'aurais donné de la guerre dans les veines. Fais la guerre. Sur un son qui blesse. Jeune, fier et criminel. Sur un son qui blesse. Il faut un calibre dans la boue. Sur un son qui blesse. V'là les héritiers du trône. God bless you, la violence urbaine, on fout la merde. Jeune, fier et délinquant. On fout un calibre à la dent. V'là les héritiers du trône. Fais la guerre.